force d'avoir les mains pleines de suie. Papa s'est ganté, il s'est protégé. Maintenant il ne me fait plus de caresses. Il a oublié tous les signes de tendresse. Maman et papa, faites-moi des câlins, papa et maman.